Chapitre 38. Messieurs Lawson et fils. Quoique le général Harding résidât seulement à une heure de chemin, par voie ferrée, de Londres, il se rendait rarement à la métropole, plus d'une fois par an. Encore, en se déplaçant ainsi, avait-il moins pour objet de se rappeler au monde aristocratique que de visiter ses vieux camarades de l'armée des Indes et le club oriental. Il restait à notre hôtel une couple de semaines, passant la plus grande partie de son temps dans la rue ou au club, et rentrant ensuite dans sa retraite des monts Chiltern avec des souvenirs suffisants pour le reste de l'année. Son séjour à la ville n'était pas exclusivement employé à des bavardages avec ses anciens compagnons d'armes. Il en affectait une partie à l'administration de ses domaines, ce qui exigeait une visite à son homme d'affaires de Lincoln's Inn Fields. Le temps de sa visite à la métropole était la saison où s'y trouvait le tout Londres et un bon nombre de campagnards. Le Parlement est en session, les concerts font rage, le monde élégant a ouvert ses salons. À vrai dire, le vieil officier indien ne se sentait attiré par aucune de ces nombreuses distractions. Il quittait sa résidence parce qu'il savait trouver alors, à Londres, des gens qui, comme lui, ne s'y rencontrent à aucune autre époque de l'année. Le messager, au visage basané, se prétendant venu des États du pape, avait fait une apparition à Beechwood Park, au commencement de cette saison. Et quelques jours après, le général Harding entreprenait son voyage annuel à Londres. Cette visite n'avait aucune espèce de rapport avec l'étrange communication émanée de ce plus étrange individu qui n'était resté présent à l'esprit du général que par suite de l'impression pénible qu'elle y avait causée. Il n'y songeait que pour déplorer la conduite de son fils, ou pour se dire qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans l'histoire de brigand qu'on lui avait débité. Il ne se formait pas la plus légère idée de la façon dont Henri avait passé les 12 mois qui venaient de s'écouler, n'ayant reçu directement aucune nouvelle de son fils. Il avait écrit une fois à son avoué, mais seulement pour s'informer si l'homme de loi avait vu Henri. Il en avait reçu simplement pour réponse que le jeune Harding avait paru à l'étude il y avait environ un an. Quant au paiement des 1000 livres sterling, il n'en était pas question, le général n'y ayant fait aucune allusion. Le formaliste homme de loi, depuis longtemps habitué à un laconique pratique, avait cru ne devoir répondre uniquement qu'à ce qui lui était demandé. Dans sa lettre d'adieu, Henri avait parlé de son intention de s'expatrier, ce qui, jusqu'à un certain point, expliquait qu'on n'en eût pas entendu parler à Londres. Rien ne s'opposait d'ailleurs à ce qu'il se fût rendu à Rome ou dans quelque autre ville du continent. Le général se disait que ce voyage ne pourrait lui faire de mal et qu'il échappait ainsi aux mauvaises connaissances qu'il aurait pu faire à Londres. Il aurait même été fort satisfait de le savoir à Rome, s'il l'eût appris autrement que par la funeste lettre dont la teneur est connue du lecteur. Il y avait vu la preuve que si son fils n'était pas véritablement tombé entre les mains des brigands, il fréquentait une compagnie aussi mauvaise, pour le moins. Ainsi songeait le général en vaguant dans les rues de la métropole, se rappelant son fils seulement parce qu'il savait qu'il était d'abord venu à Londres, mais sans nul espoir de l'y rencontrer. Henri, il n'en doutait plus, se trouvait à Rome, mais non pas dans les montagnes de Naples, comme le prétendait sa lettre, mensonge supposé bien fait pour déchirer le cœur d'un père et rendre douloureuses les pensées qu'il reportait sur son enfant. Après avoir visité, tour à tour, ses clubs de prédilection, le général se rendit, comme d'habitude, chez son avoué M. Lawson, de l'honorable maison Lawson et fils, Lincoln's Inn Fields. « Vous n'avez rien appris concernant mon fils Henri depuis ma dernière lettre » demanda-t-il. Cette question fut posée après le règlement ordinaire des affaires courantes. « Non, » répondit Lawson père, à qui s'adressait le général, Lawson fils étant sorti du cabinet. J'ai reçu de lui une singulière épître. La voici. Vous pouvez la lire et la classer avec mes autres papiers. Elle m'a fait beaucoup de chagrin, et je ne tiens pas à la conserver chez moi. Monsieur Lawson mit ses lunettes et parcourut la lettre dictée par le chef des bandits. Ceci est bien étrange, général, dit-il après avoir lu. Comment cette lettre vous est-elle parvenue? Elle ne porte aucun timbre de poste. C'est le plus curieux de l'histoire. Elle m'a été remise de la main à la main dans ma propre maison. Par qui? Par une singulière créature. Un juif ou italien, ou quelque chose d'approchant, qui s'est annoncé comme engagé dans votre profession, monsieur Lawson, un procurator, a-t-il dit. Ce qui en Italie signifie, je crois, avoué ou avocat. Quelle réponse avez-vous envoyée à votre fils? Aucune. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'il écrivait. J'ai supposé, comme mon fils Nigel, que c'était un coup monté pour me soustraire de l'argent. Nigel lui a écrit. Ah, votre fils Nigel lui a écrit? Et dans quels termes, général? « Vous me permettez cette question ?»« Certainement, mais je ne puis y répondre. J'ignore ce que renfermait la lettre de mon fils aîné. Il lui disait, je suppose, que je n'étais pas dupe de ses comptes en l'air, et lui reprochait d'avoir tenté de se jouer aussi impudemment de son propre père. Niguel a pensé que la mercuriale pourrait avoir quelque effet sur Henri, et le faire rougir de sa conduite, s'il est susceptible de rougir encore. Mais le pauvre garçon est tombé dans de bien mauvaises mains, j'en ai peur, et il lui sera bien difficile de s'en tirer. Alors vous ne croyez pas qu'il soit au pouvoir des brigands ? Des brigands, allons donc, très certainement, monsieur Lawson. Vous ne le croyez pas vous-même, avec votre expérience ? C'est précisément mon expérience générale qui me porte à croire non seulement à la possibilité du fait, mais encore à sa probabilité. Il y a quelques années, pendant les vacances, j'ai accompli moi aussi mon voyage en Italie, et j'y ai appris d'étranges choses à propos des bandits de Naples et de Rome. Peut-être n'eusse ajouté aucune fois à ce que l'on me racontait, sans un fait aussi concluant pour moi que si j'en avais été témoin oculaire, celui d'une personne tombée entre les griffes des brigands et qui, pour en sortir, fut obligée de payer rançon. Je ne dus qu'au hasard de ne pas être fait prisonnier par la même occasion. La chaise de poste dans laquelle je parcourais les horribles routes de la Romagne se brisa, fort heureusement, ce qui me força de revenir à Rome. Si j'avais fait 1 ou 2 000 de plus, la maison Lawson et Fils, Lincoln's Inn Fields, aurait eu à payer pour ma personne une rançon équivalente à celle que l'on demande pour votre fils. Demandez pour mon fils ? Bah. Demandez par mon fils, vous voulez dire ? Je ne le crois pas, général. Et je suis fâché d'avoir à vous affirmer que je diffère complètement d'opinion avec vous. Mais je le crois, moi. Je ne vous ai pas dit qu'il était parti à la suite d'une querelle ? Une fille qu'il voulait épouser ? Je ne voulais pas de ce mariage, et j'employais pour l'empêcher une ruse que je vous conterai un jour ou l'autre. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai atteint mon but et trompé la plus fameuse paire de trompeuses. C'est alors que je vous ai écrit de lui donner 1000 livres sterling. Cet argent il l'a, sans aucun doute, gaspillé en compagnie de vagabonds comme lui. Et c'est d'après leur conseil qu'il a essayé de m'en extorquer davantage. Le tour était bien joué, mais il n'a pas réussi. Vous m'avez écrit de lui donner 1000 livres, s'écria le vieil avoué, en sautant sur son fauteuil et en arrachant ses lunettes. Qu'entendez-vous par là, général Harding ? Ce que j'entends, par Dieu ! Les 1000 livres que je vous ai chargé de retirer de la banque et de remettre à mon fils Henri, à sa première réquisition. Et quand m'avez-vous donné cet ordre ? Quand ? Il y a 1 an, oui, juste 1 an. C'était une semaine environ après ma dernière visite à Londres. Vous m'avez écrit vous-même qu'il était venu dans vos bureaux à cette époque. Il y est venu en effet 2 fois, je crois, mais non pas pour recevoir 1000 livres, ni demander de l'argent. Si mes souvenirs sont fidèles, il s'est tout uniquement informé, si nous n'avions pas pour lui un message de vous. Ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais mon maître Claire. Il pourra vous dire ce qui s'est passé. Faut-il l'appeler ? Oui, dit le général, presque pétrifié d'étonnement. C'est étrange, pardieu, bien étrange. Un coup de sonnette retentit, et le maître Claire fit aussitôt son apparition. Jennings, dit l'avoué, vous souvenez-vous que le fils du général Harding, son fils cadet, Henri, vous le connaissez, je suppose, soit venu à l'étude il y a environ 1 an ? Oui, répondit le clerc, je me le rappelle parfaitement. Il y a juste 1 an. Il est venu 2 fois, et chacune de ses visites a été enregistrée. Apportez le carnet, ordonna M. Lawson. Le maître clerc sortit, laissant de nouveau le général seul avec son avoué.